Chapitre 17e. Le jour du mariage de la belle Geneviève arriva. Malgré la saison avancée, la petite église Saint-Ferdinand des Ternes regorgeait de monde. Bien que les amis du président de l'Alliance devinssent chaque jour de plus en plus rares, la curiosité l'avait emporté sur tout autre sentiment. André était radieux. La vue de sa fiancée lui faisait presque oublier l'absence de son père. Geneviève triomphait. Elle n'avait pas espéré que l'affaire fût conclue aussi vite. Un instant même, elle craignit l'intervention de l'aréole, qui, après s'être assuré que les 3 millions étaient encore intacts, avait une dernière fois sollicité sa main. Elle l'avait impitoyablement repoussée, et elle redoutait vaguement une vengeance quelconque. La beauté de la jeune fille, en quelque sorte divinisée par le costume de mariée, fit sensation. Jamais son sourire n'avait été aussi angélique et son regard aussi pur. Après la cérémonie, M. Ledru recevait rue de Presbourg. Au moment où la gardie qui venait de saluer les mariés descendait le perron de l'hôtel, il rencontra Dammartin qui, comme toujours, arrivait en courant. « Est-il encore temps d'entrer ?»« Mais oui, le père Ledru rayonne. Et les mariés ?»« Les mariés reçoivent leurs invités tout aussi gracieusement que si l'heure du train ne les pressait pas. »« Où vont-ils ?»« En Suisse. »« Au revoir. Je vais leur serrer la main. » et remettre à la Londe un mot de la part de l'aréole, qui n'a pas pu venir. La vieille renure s'élança dans les salons, évitant soigneusement la main que lui tendait le président de l'Alliance. Il aperçut Geneviève très entourée et André debout derrière elle. « Je suis chargé par l'aréole de vous remettre cette lettre d'excuse. Il a la goutte à ce qu'il prétend. »« Merci, » dit M. de la Londe, qui prit la lettre et la mit dans sa poche. Puis il ajouta « Il faut absolument que j'arrache Geneviève à ses amis. Il est déjà 2 heures. » Quelques instants plus tard, André et sa femme faisaient rapidement leurs préparatifs de départ. Ravissante, dans un costume de cachemire gris cendré, galonné d'argent, Geneviève trottinait gentiment dans l'appartement. « Est-ce que vous laissez là toutes ces lettres ? » demanda-t-elle. « Non, » dit André, « je vais les serrer n'importe où. Ce sont des compliments d'amis absents, probablement. » « Jetez-les dans votre sac de voyage. Nous les livrerons ensemble en route. Ce sera très amusant. » Saisissant à poignée les lettres, elle les passa à André qui les mit dans son sac. « J'oubliais encore celle-ci, » dit-il, et prenant la lettre de l'aréole, il l'envoya rejoindre les autres. Cette enveloppe, remise à André par la vieille renure, qui ignorait son contenu, renfermait les 2 lettres écrites par Geneviève à l'aréole lorsqu'il était son amant. Le lendemain, au cercle, M. Moret, Dammartin, Détiol et l'aréole, complètement guéris de sa goutte, causaient en attendant le dîner. Tout à coup, le petit de Chabanis, qui lisait le Gaulois, poussa un hurlement. « Que vous arrive-t-il ? » demanda aigrement la vieille renure, qui ne tolère ces cris-là que quand c'est lui qui les pousse. « Oh ! » murmura le jeune homme, « c'est épouvantable. Mais quoi, sapristi ? Ce pauvre Lalonde, et elle ? Après ça, c'est peut-être un canard ? « Est-il assez insupportable ?» grommela Dammartin, lui enlevant brusquement le journal. Mais tout de suite, il tressaillit. Un fait divers racontait brutalement l'horrible malheur arrivé à M. de Lalonde, le sympathique conseiller d'ambassade. Marié le matin, il était parti immédiatement pour la Suisse avec son adorable jeune femme. La portière contre laquelle elle s'appuyait avait été mal fermée. Elle s'était ouverte sous son poids. On avait retrouvé entre Frouard et Nancy qu'un cadavre horriblement défiguré, une bouillie de chair et de sang. Le désespoir du malheureux mari faisait mal, suivait les récriminations du reporter contre les employés qui ferment mal les portières. M. Moret était atterré. Chabanis avait peut-être raison de croire à la possibilité d'un canard, dit Détiol. Mais l'arrivée de Lagardie mit fin au doute. Il sortait de chez M. Ledru et on lui avait confirmé l'horrible nouvelle. La vieille renure s'approcha de l'aréole et soupçonneux. « Qu'y avait-il donc dans la lettre que vous m'avez fait porter ?» Le marquis ne répondit pas, mais M. Moret avait entendu. « Quelle lettre ? » demanda-t-il. « Cette affaire entre Dammartin et moi, » répondit brusquement l'aréole. M. Moret, affreusement énervé, se leva et, marchant sur lui, « Vous dites ?»« Que vous ferez bien de vous mêler de ce qui vous regarde, » répondit le marquis. La rencontre fut décidée pour le lendemain matin. Les témoins de l'aréole étaient M. de Jurieu et Luxeuil, ceux de M. Moret, d'Étiol et l'oncle Jean, immédiatement télégraphiés à Scaër.